ils mettront sur ta table des desserts inimaginables. Te diront qu'on peut tout s'offrir, les filles qui sont belles à ravir, et même les filles qui ne veulent pas. Mais souviens-toi qu'on est heureux, de la mie de pain dans les yeux, pour pas que ça pique tous ces malheurs. Par revenir sans inviter, sans le sourire, ils t'appelleront par les présages qui mettront des oiseaux en cage.